Chapitre 6 Le chèque du millionnaire. Jim Joy, après avoir présenté au guichet de la banque de Westminster son chèque bien gagné, parcourait des yeux, en attendant l'appel du caissier, les premières colonnes d'un numéro spécial de Chicago Star qui venait de paraître. Une protestation contre l'enlèvement de Phineas Wentworth s'étalait en gros caractères sur la première page. Nous, sous-signés, protestons contre le fait qu'un citoyen des États-Unis, membre de la communauté de Chicago, ait été enlevé en plein jour, en pleine capitale civilisée. Il est inadmissible que le roi des abattoirs, le grand industriel, philanthrope, patriote et mécène, épargné par nos propres bandits de Chicago, succombe aux attaques de ceux de la vieille Europe. Nous exigeons du Scotland Yard qu'il nous rende dans le plus bref délai ce puissant pilier de notre industrie nationale. Signé le Consortium mondial de viande congelée et ses succursales de Londres, Paris, Berlin, Vienne, Genève, Budapest, Cape Town, Melbourne, Calcutta et Quatera, dont M. Phineas Wentworth est depuis 15 ans le directeur. La branche londonienne du Comité international de bienfaisance, dont M. Wentworth est l'un des membres les plus généreux, la Ligue des Irlandais d'Illinois, dont le père de notre grand industriel, Patrick O'Borman Wentworth, émigré de Dublin, a fait partie jusqu'à sa mort, l'Association des femmes lituaniennes de Milwaukee, qui a eu l'honneur de compter dans ses rangs la mère de notre illustre citoyen. Un peu étourdi, Jim déposa le journal. Il allait repasser dans son esprit sa conception de l'Américain 100%, quand un employé, s'approchant discrètement de lui, le pria de le suivre dans le cabinet du sous-directeur. Ce dernier l'examina attentivement, le pria de bien vouloir communiquer son nom et, comme Jim s'impatientait, demanda « Connaissez-vous, monsieur, la personne qui vous a signé ce chèque de 1 000 $ ?»« Bien entendu, je la connais. » « Eh bien, nous, monsieur, nous ne la connaissons pas. » Et comme Jim le regardait sans comprendre, le sous-directeur ajouta cérémonieusement. « Je vous serai très obligé, monsieur, de bien vouloir nous laisser le chèque en question, afin que nous puissions établir de quelle façon cette personne a pu se procurer un carnet de notre maison. Nous nous adresserons naturellement à Scotland Yard, et j'espère que l'inspecteur Leeds, que j'ai l'avantage de connaître personnellement, saura découvrir l'origine de la supercherie dont vous êtes malheureusement victime. » « Allô, le Claridge ?» demandait Jim 3 minutes plus tard, d'une voix haletante. « Monsieur Josiah Wentworth. »« Quoi ? C'est une erreur ? Il n'est pas descendu à votre hôtel ?»« Ce n'est pas pour rien qu'il est le fils d'un Irlandais et d'une Lituanienne, » en demandant une fois de plus Miss Edith Fairfax au bureau du Ritz. Elle descendit précipitamment l'escalier, balayant la rampe avec les longues franges de soie de son écharpe orange. « Du neuf, Monsieur Joy, vous avez retrouvé Phineas Wentworth ?»« Je n'ai pas retrouvé Monsieur Wentworth, » dit Jim d'une voix tranchante, « et je crois que je ne le chercherai pas. Le frère de votre grand millionnaire, Josiah Wentworth, m'a donné un chèque sans provision. »« Le frère de Monsieur Wentworth ?» répéta la jeune fille, étonnée. « Vous avez bien dit, le frère de Monsieur Wentworth ? Mais Monsieur Wentworth n'a pas de frère, hein ?»